Je ne suis pas seul. Il y a Raymond Poirier qui vient de se joindre à moi, qui nous parle, comme à chaque semaine, de nouvelles technologies, de leur impact, de leur façon dont ils transforment notre vie, ou sinon des possibilités que ces technologies-là ont à nous offrir. Et là, aujourd'hui, Raymond a décidé de nous parler de Twitter, mais sous l'angle de la cartographie. Donc, comment Twitter pourrait cartographier nos villes? Exactement. C'est de voir un peu de quelle manière, à travers tout ce qu'on aimait, ben, ça peut être réutilisé, ça peut être utilisé pour permettre de mieux qualifier, de mieux saisir, de mieux déterminer un peu la nature de nos villes. Évidemment, on parle beaucoup du phénomène des données massives. On en parle beaucoup à cette chronique-ci, entre autres, également. Et évidemment, à chaque fois qu'on en parle, on mentionne, ben oui, il y a plein d'éléments qui viennent former cette masse de données, mais entre autres choses, les données qui sont issues des médias sociaux en font partie, une partie quand même importante. Il y a énormément de flux qui est généré sur les médias sociaux. On parle quand même de 300 millions d'utilisateurs Twitter, 400 millions sur Instagram, 1,5 milliard de profils Facebook, sans compter les autres plateformes. Donc, c'est vraiment une mine d'or pour les marques, c'est une mine d'or aussi pour les villes et pour leurs citoyens. Donc, c'est de quelle manière un peu on peut utiliser tout ça et ben, nécessairement la première amorce semble vouloir se faire de ce que j'en lis via notamment des plateformes comme Twitter ou encore bon, Foursquare et autres. Mais là, tu as décidé d'axer ton analyse sur Twitter. Pourquoi Twitter plutôt que Facebook ou d'autres médias sociaux? Mais en fait, c'est vraiment d'un point de vue pratico-pratique. De ce que j'en comprends, on utilise plus par réflexe Twitter pour faire des analyses de ce type-là, simplement sur la base que la majorité des profils Twitter sont publics, sont accessibles à tous et pour tous. Tandis que pour Facebook, ben, de plus en plus, on hausse nos limites de vie privée. Sur Twitter, on dirait qu'on le vit plus librement, de manière ouverte. Sur Instagram aussi, mais c'est quand même d'autres mécaniques. Et en même temps, ben, sur Twitter, c'est aussi qu'il y a de plus en plus d'habitudes qui sont créées pour marquer les tweets avec des hashtags et autres, donc qui permettent déjà d'avoir une certaine classification. Et en plus, ça devient quand même relativement facile aussi de géolocaliser les tweets qui sont émis. Donc, si, évidemment, on n'a pas le réflexe de fermer notre géolocalisation, exemple, quand on utilise notre téléphone ou d'autres outils de ce type, des outils mobiles, eh bien, chaque tweet est marqué du lieu où je l'ai émis. Et si j'ai, par réflexe, enlevé cette option en disant, ben, je ne veux pas être tracé, mais reste que sur mon profil, j'ai quand même écrit à quelque part que je suis de Québec ou d'une autre ville. Et sinon, ben, dans mon tweet, j'ai peut-être utilisé le hashtag Québec qui me permet de me localiser. Et ensuite, éventuellement, je me suis déplacé vers d'autres villes en utilisant d'autres hashtags marqués pour être répertoriés. Donc, il y a des outils comme ça qui permettent de facilement utiliser Twitter pour faire un peu du marquage géographique. Mm-hmm. On comprend un peu mieux pourquoi tu as choisi Twitter. Donc, tu disais qu'on pouvait, tu proposais entre autres comme exemple, lorsqu'on s'est parlé un peu avant d'entrer en onde, donc la possibilité d'utiliser Twitter pour identifier des secteurs actifs, vivants. Ça veut dire quoi, ça? Ben, en fait, si par exemple, j'indique, il y a de la musique, je parle de calme, je parle de bruit, je fais des références à mon environnement, sans nécessairement dire précisément où je suis, mais en disant, c'est plaisant de se promener dans une ville animée. Et finalement, ben, en identifiant, on remarque que je suis sur la rue Saint-Joseph ou sur la 3e avenue à Limoilou, mais on dit, c'est des secteurs qui sont animés. S'il y en a plusieurs qui, comme moi, ont le même réflexe, ou vont émettre justement des opinions sur l'animation de leur artère, de leur cité, donc évidemment, plus la ville est populeuse, plus il y a des indicateurs de disponibles, eh bien, ça permet de voir quels sont les endroits les plus silencieux, par exemple, quels sont les endroits les plus bruyants, à quel endroit les gens se plaignent un peu plus du bruit des voisins, de l'animation aussi, quand on cherche à dormir le soir ou autre. On peut utiliser ces mêmes éléments-là quand on parle de d'autres mots-clés. Donc, l'idée, c'est d'essayer de voir un peu le champ lexical, si on peut dire, associé à certaines actions. Exemple, des tweets en lien avec l'alcool, avec la fête, avec la musique, avec le plaisir de voir des amis, ben s'il y en a des masses qui sont émises avec ce type de mots-clics-là autour de certains secteurs, ben, on peut imaginer que ces secteurs-là sont plus animés. Il y a peut-être des bars ou autres. Si on commence à parler de spectacles, de plein air et autres, de festivals, ben peut-être qu'on peut suivre aussi les lieux, par exemple, du festival d'été, etc., etc. Et il y a d'autres termes aussi, si on parle d'être sous, d'être ivre, donc encore là, qui peuvent nous donner des éléments. Il y a quelques start-up d'ailleurs qui avait essayé de monter différents services en en lien avec ce type d'approche-là, pour essayer de cartographier donc la vitalité, dans le fond, d'une ville, la vitalité des quartiers, le côté festif. Et à ça, on peut rajouter évidemment tout ce qui est de l'animation culturelle et autres. Et si c'est pas nécessairement par les mots, mais ça peut être aussi par les images, par les photos. Si je me prends en selfie, par exemple, avec une bière à la main, eh ben on voit où j'ai envoyé la photo, et il peut avoir des algorithmes qui vont détecter, en fonction des pixels de l'image, que c'est une bière, que c'est la fête, que c'est une ambiance d'un lieu de bar et autres. Et encore là, ben, on va pouvoir mettre ça dans la zone festive de l'analyse. Donc, on peut suivre l'action où elle se trouve, en quelque sorte. Exactement. Et pour l'urbanisme, il y aurait aussi un intérêt. Mais en fait, si je décide de me plaindre, que des problèmes de circulation, qu'il y a trop de bruit, qu'il y a des trous dans la chaussée, que les trottoirs sont pas déneigés ou autres, eh ben évidemment, ça peut être également répertorié. Si je suis en mesure de le faire pour l'alcool, je suis en mesure de le faire pour bien d'autres choses, peut-être un brin plus utile aussi à la société, quoique. Et donc, on peut le faire également avec ce type de coup de sonde-là qu'on va lancer. Donc, les innombrables contenus publiés qui peuvent représenter une grande quantité d'informations quand même assez pratiques. Évidemment, donc, il y a le tracking des problèmes, mais il y a aussi des tendances qui peuvent permettre de qualifier, de faire parler un quartier sans nécessairement devoir aller consulter directement les citoyens ou en parallèle de consultation. Donc, ça permet de voir les tendances. Donc, dans le quartier, de quoi parle-t-on? Quels sont les problèmes, les enjeux qui sont évoqués? Quelle est l'image qui semble véhiculer autour de cette ville, autour de ce secteur-là sur la toile? Et par exemple, quelle semble être la participation électorale dans un quartier pendant la soirée électorale? Je pense qu'il y a quand même une bonne gamme de gens qui sont sur les réseaux sociaux qui émettent des opinions. Ces opinions-là sont également géolocalisées, minimalement ou ne serait-ce qu'avec le profil, on sait où la plupart des utilisateurs se trouvent. Et donc, on peut voir s'il y a certaines zones qui sont le fait d'usagers plus actifs, donc certains quartiers, par exemple, qui sont plus, entre guillemets, politiquement engagés, qui parlent beaucoup, et qu'en parallèle, il y a des quartiers qui sont littéralement silencieux. Il y a des chercheurs qui s'amusent à faire des parallèles aussi avec les taux de participation qui sont quand même de plus en plus précis, avec les orientations, les choix qui sont faits au vote, donc qui participe moins. Donc, il y a des jeux qui peuvent se faire avec ça. Donc, autant sur l'idée de l'information sur le quartier lui-même que aussi carrément donc sur l'action politique, les opinions, etc., etc. Ça peut aller loin quand même. Oui, ben justement, puisqu'on parle d'aller loin, on va parler du crime et de la criminalité. Il y a un certain journal québécois qui se spécialise, entre autres, dans la géolocalisation des agresseurs sexuels ou prétendus tels. C'est pas toujours bien fait. Il y a beaucoup de commentaires négatifs à ce sujet-là, parce que certaines personnes n'ont pas été condamnées ou sont uniquement suspectées ou en tout cas ont un dossier, mais depuis le temps se sont rachetées. Bref, ça cause un certain nombre de problèmes quand on identifie dans un quartier un certain nombre de criminels par rapport à un autre, mais c'est le genre de choses qui se font quand même. Mais c'est le genre de choses qui peuvent se faire, évidemment. C'est quelque chose qui est quand même un bon objet de recherche. À Chicago, il y a des tests notamment qui avaient été faits pour essayer de voir de quelle manière on pouvait utiliser des tweets pour essayer de prévoir les crimes, prévoir un peu des criminalités potentielles. Donc, c'était un cobaye qui s'était révélé idéal à l'époque de cette étude-là. Bon, 2,7 millions d'habitants, une criminalité quand même assez imposante dans certains secteurs. Alors, les chercheurs avaient pu collecter toutes les données relatives aux crimes, donc aux délits qui étaient survenus entre le 1er janvier et le 31 mars, c'était en 2013, avec 1,5 million de tweets qui étaient accompagnés de positions GPS de l'utilisateur au moment de sa publication. Et finalement, ben on est en mesure de déceler certaines tendances. Donc, évidemment, donc les élections, des révolutions, des phénomènes naturels et autres. Alors, est-ce qu'on peut le faire avec des crimes également? Donc, c'est ce qui avait été tenté. Donc, l'idée, c'était d'essayer de voir si on est en mesure de voir ces moments-là se formenter. Finalement, ce qu'on avait remarqué, c'est que, bon, Twitter étant 140 caractères, c'est pas avec ça nécessairement que je vais pouvoir planifier mon crime, mais par contre, qu'on était en mesure de déceler rapidement des messages faisant référence à des infractions. Donc, exemple, des références à l'alcool dont on parlait tout à l'heure, peuvent indiquer de l'ivresse, peuvent indiquer de l'alcool au volant, donc peut-être des secteurs un peu plus chauds à certaines périodes de la journée, auxquels on pourrait affecter des autopatrouilles, par exemple. Donc, on réussit à aller chercher des délits peut-être un peu plus inférieurs. Parallèlement, on peut aussi essayer d'utiliser les médias sociaux pour qualifier les quartiers. Donc ça, c'est des propositions d'autres chercheurs qui, eux, disaient, ben, regardez, à partir des photos, à partir de mots-clés, on peut voir si c'est des quartiers, entre guillemets, chauds au point de vue criminalité. Donc, si on est en mesure d'avoir une liste d'éléments de langage, d'éléments visuels qui peuvent être associés à des quartiers où il y a une certaine certains défis face à la criminalité, eh bien, encore là, on peut réussir à aller un peu plus loin, à faire des associations, à faire des corrélations. Ce qui pose des problèmes en ce qui a trait à la stigmatisation de ces populations-là, quand même, évidemment. On poursuit avec le citoyen, lui, son rôle là-dedans. Est-ce qu'il est toujours bien conscient d'être à la fois un acteur, mais surtout un acteur malgré lui? Parce que 24 heures sur 24, on ne pense pas forcément à l'impact de tout ce qu'on met sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'il est toujours présent, l'acteur, ou est-ce que parfois il est là sans le savoir? Mais en fait, Eric, j'aurais envie de te dire, en fait, quand j'ai mentionné tout à l'heure qu'on pouvait enlever la géolocalisation sur Twitter et sur les médias sociaux de notre téléphone, mais qu'il y a sûrement des gens qui ont fait un déclic dans leur auto ou ailleurs en disant, ben, ah, je l'ai-tu enlevé, moi? On n'y pense pas toujours, et si on le fait pas, ben, elle est là par défaut. Alors ça, c'est des traces, en fait, qu'on pourrait presque dire des traces inconscientes qu'on en vient à laisser. Au niveau de l'identité de profil, donc moi, personnellement, j'ai mis Québec sur le mien, et, j'ai enlevé ma géolocalisation, mais ma géolocalisation est quand même clairement annoncée. Donc, finalement, ben, j'y avais peut-être pas pensé, mais il y a quelque chose là-dedans aussi où je choisis inconsciemment de laisser une certaine trace. Donc, à un moment donné, c'est une notion d'éducation qu'il faut faire auprès du public pour voir l'incidence des choix qu'on fait, l'incidence des degrés de public et de privé qu'on offre autour de nos différents outils et l'incidence de ce qu'on peut utiliser, offrir, rendre disponible. Donc, évidemment, en étant sensibilisé, ben, peut-être qu'on on oriente un peu aussi un peu plus notre contenu. Parallèlement, ben il y a ce défi des citoyens qui le font un peu malgré eux, dans la mesure où c'est l'option un peu par défaut. Alors, disons, il y a beaucoup d'enjeux autour de ça. Évidemment, pour l'instant, ce que ça semble dire, c'est qu'il y a un intérêt peut-être à utiliser ces ressources-là qui sont rendues disponibles, mais parallèlement, c'est clair qu'il y a la nécessité de mieux informer les citoyens sur les incidences de tout ça. Mm-hmm. Et avant de se quitter, parce que le temps file, ce sera notre dernier élément dans cette chronique, c'est un événement qui se tient le jeudi 19 mai dont tu veux nous parler. Oui, en fait, petite mention au passage, on parle beaucoup de plans numériques, de stratégies numériques au Québec. Alors, pourquoi devrait-on mettre en place une stratégie nationale du numérique? Quelle manière ces stratégies-là pourraient être étayées? Alors, il y a des chercheurs de l'Université Laval, du CEFRIO, de l'Institut national d'optique qui sont penchés un peu sur la question et qui proposent leur réflexion jeudi 19 mai à 19h à la bibliothèque Gabriel-Leroy. Alors, si les gens ont envie d'écouter cette proposition-là et d'y réagir également, de réfléchir collectivement autour de ces thématiques-là, mais ça peut être un beau rendez-vous. Donc, je rappelle, jeudi 19 mai à 19h, c'est entrée libre à la bibliothèque Gabriel-Leroy. Merci beaucoup, Raymond Poirier. Ça me fait plaisir.